نوصيف حاكس دع دع واش لو 28 9 5 9 4 خي نوصيف Le rap c'est devenu une arnaque. Appelle Julien Courbet, j'kiffe voir bouger les têtes. Quand j'attaque un couplet, un texte ça me fait courber. J'ai les couilles pleines, j'coupe les ponts avec les putes. Mets des coups de pelle, j'ai le flow coup de tête. J'entends mon son dans les caisses, dans les portables. Pas de permis de port d'armes, tout niqué c'est le programme. Programme, je mange trop mal, j'joue pas le chroma. C'est hack, c'est nocif, t'es dans le coma. Le jour se lève. Quand je rappe crépuscule, j'articule, garde des clavicules, j'écris en majuscule, j'encule les minuscules, normal. Au-dessus du cœur, y'a un crocodile, connard. Je suis le dernier monarque, le rap c'est mon art. Défonce le pute à coup de Thomas, en attendant le pommade. Ils font les durs, en radio ils passent la pommade. Dommage, encore une salope qui arbre du fromage. Porte de lac, tu sois par à coup sec. Imagine-moi tout péter comme Barack Obama au set. Loin de la Starac et des grandes baraques, on cherche la baraque au Brest. Tu te demandes c'est qui au refrain, NFC qui a faim, accompagné de deux MC qui voient très loin, très peu de moyens, mais un rechien en venin. Tu veux des faces, en voiture, en voilà, t'en auras plus d'un. Tu te demandes c'est qui au refrain, NFC qui a faim, accompagné de deux MC qui voient très loin, très peu de moyens, mais un rechien en venin. Tu veux des faces, en voiture, en voilà, t'en auras plus d'un. On joue à PES ou au ping-pong, ping-pong. Avec les coronesses de King Kong. Pendant que nos mères sont dans la tourmente, les refs font dans le shit et les meufs dans la tournante. À ce qui paraît, tu payes tes studios grâce au Tushy. Tu payes tes studios grâce à ta touch, oui. J'te respecte moins que Julie Zenati. T'as le choix entre un petit high kick ou un penalty. Les rappeurs qui ont des guns, y'en a beaucoup. Bah qui se leur entre dans le boule, ça fera un gros trou. Y'en a qui veulent que tu vives, y'en a qui veulent que tu meurs. Ceux qui racontent des rumeurs, c'est ceux qui veulent que tu meurs, mon pote. On n'a pas les doigts de pied en éventail, non, non. On les a en compote. On siffle Hex, caillera sur la grosse caisse. Roule ton peps, ma poule, bouge tes grosses fesses. C'est qui au refrain, NMC qui a faim, accompagné de deux MC qui voient très loin, très peu de moyens, mais un rechien en venin. Tu veux des faces, en voiture, en voilà, t'en auras plus d'un. Tu demandes c'est qui au refrain, NMC qui a faim, accompagné de deux MC qui voient très loin, très peu de moyens, mais un rechien en venin. Tu veux des faces, en voiture, en voilà, t'en auras plus d'un. Baisse tout, yeah. Ouais, je dreux, Sergi, Vitry, Hex, 1. Nocif, da da, aïe, aïe, pour tous les mecs au star, da da, yeah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.